Radio Sunna vous présente une intervention en direct de Oustaz Abdul Karim Abu Asim. Waffaqahu Allah. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de commencer à parler de la biographie du prophète en tant que tel, c'est la méthodologie employée pour aborder l'étude de la biographie du prophète. Ces différents événements que nous traiterons nous sont parvenus par le biais de la révélation, à savoir le Coran et la Sunna. Il est indispensable de s'appuyer sur ces deux sources afin d'être sûr de citer des récits authentiques et de balayer par là même ce qui serait mensonger à l'égard d'Allah, tabaraka wa ta'ala, son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les compagnons, radiallahu anhum. Quant aux récits rapportés par des chaînes de transmission faibles, ils peuvent être utilisés afin de conforter ce qui existe déjà comme récit authentique, mais ils ne doivent en aucun cas servir de base historique. Tout ceci afin de ne pas attribuer au prophète, alayhi salatu wassalam, une parole ou un acte qu'il n'aurait pas dit ou qu'il n'aurait pas fait. De nombreux savants ont depuis les premiers temps de l'islam tenté de compiler ces différents événements recueillis par la tradition orale ou écrite afin de préserver cet héritage et ce trésor pour les générations postérieures. Cet héritage dont nous disposons aujourd'hui par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala nous fait prendre conscience de la ferveur qui était celle de nos prédécesseurs dans l'étude de la science, sa propagation, la recherche, l'écriture, la corrélation, la correction, l'analyse et d'autres domaines dans lesquels ils ont brillé et excellé. À titre d'exemple, nous pouvons citer le fameux ouvrage de l'imam Imaduddin ibn Kathir rahimahullah tabaraka wa ta'ala, Al-Bidaya wal-Nihaya, reprenant la chronologie des événements du début de la création, en passant par l'histoire et les récits des prophètes, en débutant par Adam et en terminant par Mohammed alayhi salatu wassalam, jusqu'aux événements de l'année 768 de l'Hégire, peu de temps avant sa mort. Il cita aussi à la fin de son ouvrage les événements relatifs à la fin des temps et ceux du jour dernier, jour où les gens comparaîtront devant Allah tabaraka wa ta'ala. Ce livre a la particularité d'être étayé dans sa grande partie par des chaînes de transmission des différentes narrations, permettant ainsi aux chercheurs d'étudier et analyser ces chaînes et de valider ou invalider telle ou telle information. Plusieurs grands savants ont attaché de l'importance à écrire sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam durant les deux premiers siècles de l'Hégire. Ces deux premiers siècles que l'on peut diviser en deux grandes générations ou deux grandes vagues. La première est celle des Tabi'in. Et on retrouvera parmi eux Wahb ibn Munabbih, mort en 114. L'imam Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab ibn Zuhri, mort en 124. Nous trouverons aussi parmi les grands tabi'in, Aban ibn Uthman ibn Affan, Urwat ibn Zubair, Sharah ibn Sa'd, Asim ibn Umar ibn al-Khattab et d'autres. Concernant Wahb ibn Munabbih, rahimahullah, et Muhammad ibn Muslim ibn Shihab al-Zuhri, rahimahullah, nous ne sont parvenus de leur livre que certaines parties que l'on retrouve pour ce dernier dans le Musannaf de l'imam Abdurrazzaq al-San'ani, mort en 211. Concernant la deuxième génération, nous trouvons Hisham ibn Urwat ibn Zubayr, Moussa ibn Uqba et Muhammad ibn Ishaq. Je vais m'attarder sur ces deux derniers, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, car ils représentent les deux auteurs les plus emblématiques dans ce domaine, parmi la deuxième génération. Moussa ibn Uqba, qui est mort en 141 de l'Hégire, eut pour maître et professeur Muhammad ibn Muslim ibn Shihab ibn Zuhri. Et cela se refléta sur les quelques manuscrits retrouvés d'une partie de son livre. En effet, on constata dans sa méthodologie qu'il attachait une extrême importance à citer les chaînes de transmission avec précision, de citer les événements de la vie du prophète alayhi salat wa salam dans l'ordre chronologique en s'appuyant partiellement sur le travail de son cheikh, le grand muhaddis Ibn Shihab al-Zuhri, rahimahullah. D'ailleurs, l'imam Malik, rahimahullah, tabarak wa ta'ala, a dit de Moussa ibn Uqba, « Étudiez le livre de Moussa ibn Uqba, car cet homme est fiable et intègre. » Fin de citation. Le deuxième est l'imam Muhammad ibn Ishaq ibn Yassar al-Muttalibi al-Madani, mort en 151 de l'Hégire. Il compila un ouvrage lui aussi de référence, composé d'un seul volume, où il commença à relater les événements du début de la révélation jusqu'à la mort du prophète alayhi salam. Il est un des précurseurs dans ce domaine et beaucoup d'historiens après lui eurent à s'appuyer sur ses travaux. Il ne jouissait pas de la même notoriété que Moussa ibn Uqba chez les savants de Médine. Il fut même accusé d'être sur la croyance des Qadarites, comme il fut accusé par d'autres accusations. Cela le poussa à quitter Médine et à s'installer dans la ville d'Al-Koufa. Cependant, son livre et son travail restent la principale référence dans ce domaine en tant que livre écrit sur la biographie. Car le livre de Moussa ibn Uqba, quant à lui, a été perdu. Et on ne retrouvera qu'une infime partie de son manuscrit en 1904, c'est-à-dire au début du XXe siècle. Ce qui nous est parvenu de l'ouvrage d'Ibn Ishaq n'est pas la version originale, mais plutôt des résumés ou des synthèses de l'original faits par ses élèves ou d'autres savants venus après lui. Les biographes et les historiens de la Sira, qui sont venus après lui, se sont tous appuyés sur son ouvrage et ses travaux, ce qui nous fait prendre conscience de la valeur et l'importance de son ouvrage. D'ailleurs, un des ouvrages les plus connus dans la Sira, après le sien, est celui de l'imam Abdel Malik ibn Hisham al-Himyari al-Mu'afiri al-Basri, mort en 218 de l'Hégire, qui a rédigé son fameux ouvrage As-Sira al-Nabawiyya, plus communément appelé Sirat ibn Hisham, ouvrage qu'il a rédigé sur la biographie du prophète as-salatu wassalam en prenant la version de Ziyad ibn Abdullah al-Bukai, mort en 183 de l'Hégire, qui était un élève d'Ibn Ishaq. Son livre est un résumé corrigé du travail d'Ibn Ishaq et il y a apporté des éléments nouveaux. Les savants, dans les générations qui suivirent, ont fait l'explication de ce dernier ouvrage, As-Sira al-Nabawiyya d'Ibn Hisham. Pourquoi évoquer tout cela? Et pourquoi rentrer dans toutes ces considérations historiques? Parce que le travail de ces savants, si considérable soit-il, doit toujours être regardé à la lumière du livre et de la sunna authentique. Nul être humain, fût-il un grand savant, n'est à l'abri de l'erreur dans la transmission du message, sauf l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il est possible de trouver des erreurs dans les ouvrages religieux, et notamment d'histoire ou de biographie du messager. Mais ces ouvrages ne sont pas pour autant bons à être discrédités, et être jeté à la poubelle. Le seul livre sur la surface de la terre qui est exempt d'erreur est protégé contre la falsification est le Coran. Ceci doit nous pousser à être précautionneux lorsque l'on aborde le sujet de la religion, afin de ne pas parler sur Allah sans science et risquer de forger des mensonges à son encontre. Parler sur le prophète, relater ses événements, ses paroles, ses actes sans être sûr de leur authenticité, c'est risquer de mentir à son sujet, sallallahu alayhi wa sallam, et de forger des mensonges à son encontre. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à cet effet, « Man kazaba aliyya muta'ammidan, faliyatabawwa maq'adahu minan nar. » Celui qui ment sur moi délibérément, qu'il prenne déjà sa place dans le feu. C'est un hadith reconnu, authentique, à l'unanimité. Le travail de ces grands savants est une base de travail considérable. Et non pas une finalité. C'est ainsi que doit être abordée la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En conclusion, le livre le plus véridique est le livre d'Allah tabarak wa ta'ala, qui reste le livre de référence par excellence dans tous les domaines. Puis nous avons la sunna authentique du prophète alayhi salat wa salam, qui viendra corréler, appuyer, voire détailler le Coran. Voire même, comme c'est dans la majeure partie des cas, citer des événements qui ne sont pas cités dans le Coran. Citer des détails qui ne sont pas cités dans le Coran. De ce fait, le Coran et la Sunna restent les deux sources principales pour étudier la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Le travail d'Ibn Ishaq, de Moussa ibn Uqba et de tous les savants qui ont été cités auparavant viendra nous faciliter cette approche, viendra nous servir de base de travail. Mais chacun de ces livres et chacun de ces travaux devra être regardé sous la lumière du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. J'ai tenu à vous évoquer cela en introduction à l'étude de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, car ces points me paraissaient importants. Nous allons nous intéresser, inshallah tabarak wa ta'ala, à la lignée du prophète alayhi salatu wassalam. Nous savons que le messager sallallahu alayhi wa sallam est un descendant de Quraysh. Quraysh est le surnom d'un des ancêtres du messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Fihr ibn Malik. Et selon un avis, Quraysh serait le grand-père de ce Fihr, à savoir Al-Nadr ibn Kinana. Donc, Quraysh est le surnom d'un homme qui faisait partie des ancêtres du prophète, alayhi wa sallam. Et cet homme s'appelait Fihr ibn Malik, selon un avis, ou alors Al-Nadr ibn Kinana, selon un deuxième avis, qui serait le grand-père de Fihr. Si nous remontons un peu plus haut dans l'ascendance du prophète, nous trouvons au niveau du neuvième grand-père de Quraysh, le nom de Adnan. Et Adnan est un descendant de Ismaïl, alayhi salatu wassalam. Sur la base de ceci, nous en concluons que le prophète, alayhi wassalam, est un descendant de Ismaïl, le fils d'Ibrahim alayhi salam, par le biais de Quraysh, puis de Adnan, qui lui-même est un descendant de Ismaïl. Nous verrons un peu plus loin quels sont les ascendants du messager sallallahu alayhi wa sallam entre lui et Quraysh. Ce que l'on peut déjà dire est que le prophète alayhi salatu wa salam est un descendant de Quraysh, qui est lui-même un descendant de Adnan, qui est lui-même un descendant de Ismaïl, fils d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Comme ceci est rapporté par l'imam al-Bukhari, sous le numéro 3851. Je reviendrai sur ce hadith un peu plus loin. Il y a une remarque importante ici, à souligner. L'imam al-Baghawi, rahimallah tabaraka wa ta'ala, a dit « Toute lignée au-dessus de Adnan n'est pas vérifiée. » Toute lignée au-dessus de Adnan n'est pas vérifiée. De même, Ibn Sa'd, dans ses Tabaqat, a dit « La chose convenue chez nous est de nous abstenir de citer les ascendants au-delà de Adnan jusqu'à Ismaïl. » Il y a comme une zone de flou ou d'incertitude. Ibn al-Qayyim, rahimallah tabarak wa ta'ala, a dit dans Zad al-Ma'ad « Jusque-là, il est connu que c'est authentique de manière unanime chez les généalogistes, sans aucune divergence. » Au-delà de Adnan, il y a une divergence. Cependant, il n'y a aucune divergence sur le fait que Adnan est un descendant de Ismaïl. Autrement dit, la lignée du prophète alayhi wassalam est connue homme par homme, ancêtre par ancêtre, de lui jusqu'à Adnan. Puis, entre Adnan et Ismaïl, il y a une zone de flou. On ne sait pas exactement combien il y a d'hommes entre Adnan et Ismaïl, et on ne sait pas quels sont ces hommes exactement. La chose dont on est sûr est que Adnan est bien un descendant de Ismaïl, et ceci par la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ceci explique les paroles de l'imam al-Baghawi, de l'imam ibn Sa'd et de l'imam ibn al-Qayyim, rahimahumullah. Les descendants de Ismaïl alayhi salam, sont des Arabes arabisés et non des Arabes de souche. Leur ancêtre Ismaïl alayhi salat wa salam s'est installé dans la péninsule arabique près de la Mecque et a appris à vivre comme les Arabes et à parler leur langue. Je vous renvoie au cours sur Ismaïl dans la série L'histoire des prophètes pour plus de détails concernant cela. Nous évoquerons demain, inshallah tabarak wa ta'ala, la tribu du prophète alayhi salat wa salam, Quraysh, et quelles sont ses différentes ramifications. Et quels sont les liens qu'il y a entre ces différentes tribus? Ceci nous aidera grandement à comprendre la situation qui était celle des Arabes lorsque le prophète Ali Salat wa Salam a été mandaté en tant que prophète. Il est important de connaître ces connexions tribales, ces liens qui unissaient ces différentes tribus entre elles, les pactes qu'il y avait entre elles. Il est important de comprendre tout cela afin de comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants de la situation dans laquelle a été envoyé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.